bas, au-delà de nos contrées, il y a un autre monde à trouver. Il ne connaît pas de saison, aucune âme à l'horizon, un paradis à contempler, juste l'air pour te souffler son vent. Recouvre tout de blanc, la vie semble irréelle devant cet océan. Je me suis surpris à rêver d'un monde trop froid pour y rester. Dois-je le sortir de mon esprit avant que ne tombe la nuit et son vent de glace gèle les eaux et peut vous brûler la peau. Vent de glace froisse mes yeux, de l'intérieur je me vois mieux.